Viens, Seigneur, dans ta présence, pleine de douceur, dans l'espérance de rencontrer celui que mon cœur aime. Mon Dieu, mon roi, mon créateur, Jésus, ma joie et mon sauveur, Esprit de Dieu, consolateur, je chante pour toi, Seigneur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, tendre Père. Esprit de Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon Jésus, je t'aime. L'agneau est saint d'une couronne pour adorer celui que mon cœur aime. Mon Dieu, mon roi, mon créateur, Jésus, ma joie et mon sauveur, Esprit de Dieu, consolateur, je chante pour toi, Seigneur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, tendre Père, je t'aime. Je t'aime.